Chapitre 26e, Arsicucci, pour parler de paix, 23 septembre. Si le 23 septembre, au plus tard, aucun armistice n'est conclu, avait dit Popov au président Imadedinov, vous redeviendrez un terroriste, et nous viendrons vous liquider, vous et vos hommes, où que vous soyez, et jusqu'au dernier. Le message était clair, et la menace sans embâge. En cette journée du 23 septembre, Arsicucci, la capitale du Tokaristan, était paisible. Dans ce haut lieu emblématique, la vie semblait suivre son cours, comme depuis des siècles. Le bazar d'Arsicucci était le cœur battant de la ville. Il fermait l'extrémité de la place de la Qibla. Il tournait le dos à la Mecque et était dominé par la grande mosquée d'Al-Dawa, qui rappelait combien les valeurs impies de l'argent devaient s'effacer du regard en présence d'Allah. D'architecture soignée, la bâtisse, tout en croisée d'ogives, se composait d'une série de structures couvertes en briques ocre et blanches posées les unes sur les autres. Cet espace commercial, d'inspiration tocard, était clos et abrité. Des rosaces flamboyantes et des puits de lumière donnaient de la clarté à l'allée centrale. On y déambulait au milieu de deux rangées d'échoppes, illuminées par des guirlandes disposées en arc de cercle au-dessus des pas de portes de magasins. Chaque boutique répondait à un code de couleur précis. Bleu pour les cafés, orange pour les étals de primeurs, rouge pour les commerces de viande, jaune pour les orfèvres ou les artisans d'art, vert pour les lieux d'études ou de religion, marron pour les boutiques de textiles ou les marchands de tapis. On trouvait aussi, au cœur même du bazar, des salles de réunion et même, en son extrémité sud, un caravansérail. Cet hôtel de luxe figurait d'ailleurs en bonne place dans tous les guides touristiques de l'Altaï pour la qualité de sa table et de son coucher. Quelques vieillards, le chapelet à la main, parlait de l'actualité mais sans prononcer le mot « guerre » et formuler la moindre interrogation sur le présent ou l'avenir. La pendule de l'aéroport indiquait 15 heures quand l'avion spécial de la compagnie Emirates atterrit à Arsicucci. À son bord se trouvait le négociateur plénipotentiaire de la Fédération de Russie, le chambellan Jafar Akhamov. Les soldats de la garde présidentielle attendaient sur le tarmac un russe en costume 3 pièces. Ils découvrirent avec saisissement un homme de haute taille, le visage émacié, vêtu d'une djellaba et portant une barbe touffue et non taillée. Il descendit à pas lents vers eux. En voyant sur l'empennage de l'avion le drapeau des Émirats arabes unis en forme de flèche, le capitaine pensa que cet individu était un médiateur de la péninsule arabique qui accompagnait le négociateur russe. Il tenta d'apercevoir par-dessus l'épaule du barbu le visage blond d'un envoyé de Moscou. Rien. Une fois, le saint homme au pied de la passerelle, accompagné de ses 4 gardes du corps, la porte coulissante de l'aéronef se referma. « Salam alaikum. Bonjour, capitaine. Je suis Jafar Akhamov, le représentant plénipotentiaire du gouvernement russe. Que nous me conduise au grand void, au grand guide. Il m'attend. » Le capitaine médusé fit signe à sa troupe de se mettre en position pour accueillir l'hôte de marque. « Alaykoum salam, excellence. Suivez-moi. » Il fit monter le diplomate dans une spacieuse voiture blanche. Confortablement installé dans le véhicule qui le conduisait au lieu de son entrevue, Akhamov s'adressa à l'officiel tokaristanais se trouvant à ses côtés. Il lui confia. « Je m'étais éloigné de la religion. Que son nom soit loué. Allah, pour me ramener sur le droit chemin, me souma une épreuve. Je suis diabétique, insulinodépendant. J'aurais besoin d'avoir une piqûre avant de repartir. Il me faudra un infirmier. Pourriez-vous vous en occuper ?» L'envoyé du gouvernement et le capitaine se regardèrent. Pour le militaire, tout s'expliquait. Pour l'envoyé du Takshir, c'était bon signe. Que Popov ait envoyé un musulman frappé par la grâce prouvait que les Russes mesuraient la portée des paroles du guide. « Pas de problème, monsieur le député, je m'en charge, » dit le capitaine. Remerciant le militaire par un petit hochement de la tête, Akhamov prit un air là. Il ferma les yeux, sortit un chapelet de la poche de sa djellaba, et se mit à réciter les 99 noms de Dieu. Dans la dite d'un très célèbre sahabi, Abu Raya, compagnon du messager d'Allah, il était bien rappelé aux croyants, « Dieu a 99 noms, 100 moins 1. Quiconque les énumère entrera au paradis. Il est sans alter ego et récompense le fait de citer ses noms un à un. » Suivant son exemple, les hommes qui escortèrent Akhamov se mirent à prier en silence. Lorsqu'ils arrivèrent à destination, Novosabedirio, faubourg pauvre d'Arsicucci, Akhamov traversa une place sur laquelle était érigée une statue équestre. Elle représentait Ivan Ogareff, un officier renégat russe, célèbre pour avoir trahi son pays et collaboré avec les Tartares du sanguinaire Féofar Khan. La sculpture présentait le traître sur un pur sang cabré. Les conventions du genre permettaient de déterminer les conditions de la mort du cavalier juste en regardant l'œuvre d'art. Lorsque le cheval avait, comme ici, les deux pattes avant levées, cela signifiait que son cavalier était mort au combat. Lorsque l'animal avait une patte derrière levée, le cavalier était décédé des suites de ses blessures au combat. Si les quatre pattes restaient fermement campées sur le sol, le cavalier devait son trépas à des causes naturelles. Cette statue remplaçait celle de Lénine, installée par la Russie bolchevique et déboulonnée 10 ans auparavant. Après avoir arpenté un dédale de ruelles toutes plus sombres les unes que les autres, Jafar Akhamov arriva à un hôtel miteux qui abritait un bunker anti-aérien relié par un tunnel souterrain à des bureaux totalement refaits. Il était 16 heures lorsque le chambellan s'installa dans la salle de réunion et qu'à sa demande lui fut servi un grand verre d'eau fraîche. À cet instant, le président Imadedinov, sexagénaire, petit, barbe noire, fit son entrée. Il avait été prévenu de l'aspect inattendu de son interlocuteur, puisqu'il ne montra aucune surprise en le voyant. Ils se serrèrent la main, échangèrent les salutations d'usage et s'assirent à la table des négociations. Comme il l'avait promis, l'envoyé du gouvernement chargé d'accueillir Akhamov susurra quelques mots à l'oreille du Voïd pour lui signaler la requête médicale du négociateur plénipotentiaire du président Popov. Imadedinov dévisagea Akhamov. Ils s'étaient rencontrés à plusieurs reprises. Il reconnut que la personne devant lui était en très mauvaise santé. Qu'était devenu le jovial rondouillard au regard d'acier et au sourire malin qu'il avait connu? Il ne restait désormais qu'un homme pieux, squelettique, dont le teint pâle faisait déjà penser à la couleur d'un linceul. Face à l'ombre spectrale d'un individu qu'il avait naguère côtoyé en bonne forme, Imadedinov accéda à la demande. « Bien sûr, » répondit-il à haute voix, « que le nécessaire soit fait pour qu'il ait sa piqûre le moment voulu. » Les négociations furent âpres. Akhamov défendait pied à pied les positions de son gouvernement. Les heures s'écoulèrent. Finalement, à la tombée de la nuit, les deux hommes scellèrent un accord qui stipulait que toutes les troupes djihadistes refluraient dans le sud de l'oblast. Une ligne de démarcation couperait le nord de la province avec le sud, qui deviendrait le Tokaristan septentrional. Au lieu de confluence entre la Tom et l'Oussa, serait prolongée une frontière en ligne droite jusqu'à celle du Kraï de l'Altaï. L'Oussa, devenant la ligne de démarcation nord de l'État, inclurait ainsi Medjouratchensk. La ville et ses mines passeraient sous contrôle de la République islamique en dédommagement des siècles d'exploitation coloniale des ressources tokariennes par la Russie. En ce qui concerne le sort des populations du pays conquis, Imadedinov avait prévu la constitution d'une compagnie foncière islamique destinée à reprendre ou à administrer les biens des kafirs, les non-musulmans. Ceux-ci seraient amenés à quitter la zone en vertu d'un principe, la conversion, la valise ou le cercueil. La société d'exploitation se donnera 3 ans pour procéder à la liquidation du patrimoine appartenant à des kafirs. Ces derniers émigreraient en toute tranquillité en Russie. La compagnie foncière veillerait sur leurs avoirs et leur chercherait des acquéreurs. Ces kafirs auraient une priorité sur l'achat de biens russes appartenant à des musulmans souhaitant rentrer au Tokaristan, à condition qu'ils confient en Russie leur affaire à la même société. Un point obscur fut la disparition d'habitants de l'oblast lors du retrait des troupes islamistes. « On m'a communiqué, » dit Akhamov, « une liste d'environ 500 femmes. Nous souhaitons qu'elles soient libérées. » Imadedinov refusa toute forme de marchandage. « Considérez-les comme mortes. Ajoutez leur nom à la liste des victimes civiles liées aux dégâts collatéraux de la guerre. » Akhamov n'insista pas. Il vit qu'Imadedinov resterait inflexible sur cette question. Il passa donc au point suivant. L'accord prévoyait, au bout d'une année, un référendum des habitants du sud de l'oblast sous contrôle militaire tokarien. Ils seraient consultés sur leur attachement au Tokaristan ou le maintien dans la Fédération russe. Un autre référendum serait organisé, 6 mois plus tard, sur l'ensemble du territoire afin de savoir si le peuple préférait un État islamique associé à la Russie ou une République islamique du Tokaristan indépendante de la Russie. Une fois discutés quelques points subalternes et intégrés des conditions suspensives, l'accord final fut ratifié vers 20 heures. Dans la tête du chambellan revenait comme un lancinant leitmotiv la phrase adressée par le président Popov à son homologue Imadedinov. Si le 23 septembre ou plus tard, aucun armistice n'est conclu, lui avait-il dit, vous redeviendrez un terroriste et nous viendrons vous liquider, vous et vos hommes, où que vous soyez, et jusqu'au dernier. Rakhamov jugea que les conditions n'étaient pas du tout réunies pour mettre un terme au conflit. Il se garda bien d'en faire part à son interlocuteur. Les concessions du leader tokaristanais étant négligeables, il considéra que la phase 2, opération Khan des Muets, devait aller à son terme. Les deux négociateurs se levèrent. Rakhamov se déganta et tendit la main, paume ouverte sur le dessus, à Imadedinov, qui en fit de même. La poignée qu'ils échangèrent fut longue et chaleureuse. Tout en serrant la main du Void, le grand guide, le chambellan lui déclara, afin de ne pas l'alarmer, « Takshir, sire, je pense que nous ne pouvons pas encore mesurer ce soir toute la portée de ce que vous êtes en train d'arracher aux Russes. Les avancées politiques, juridiques et constitutionnelles qui sont dans ce document vont ouvrir des perspectives nouvelles à nos frères caucasiens, et à ceux du Tatarstan, à mon peuple aussi, et à tous les musulmans de Russie. » Il marqua une pause et ajouta « Allahu Akbar ». Tous les hommes présents, excepté les quatre gardes du corps russe, reprirent en chœur « Allahu Akbar ». On envoya chercher l'infirmier. Les discussions allèrent bon train. Cela vira à l'hilarité quand un géant, en blouse blanche, avec une barbe rousse lui cachant le cou, entra dans la pièce. Rakhamov, en le voyant, s'exclama « Je vous avais demandé un infirmier, pas un ours. Il est beaucoup moins avenant que l'infirmière blonde à forte poitrine que les Russes mettent à ma disposition à Moscou. » La blouse blanche prit la capsule d'insuline, piqua le représentant plénipotentiaire du gouvernement russe. Celui-ci salua Imadedinov avant de se rendre à l'aéroport où l'avion du retour l'attendait. Lorsque le Tupolev fut dans les airs, le chambellan des Volkodlak s'assura que l'appareil ne survolait plus l'espace aérien tokarien. Il écarta alors la bouteille d'eau minérale posée sur la tablette située devant lui, la rangea dans le vide-poche du siège placé à ses côtés. Il appela un garde du corps. « Volodia, un miracle, je te prie » demanda-t-il. L'agent de sécurité comprit l'ordre. Il alla chercher une autre bouteille d'eau, mais de vie, cette fois. Les passagers, sains et saufs, fêtèrent leur retour en trinquant à la vodka. Chacun leva son verre à la mission, au président Popov et à son vice-premier ministre Koslov, en criant « Na zdrovie, santé !» Dans le même temps, Yusup Imadedinov quittait sa capitale d'Arsikouchi pour regagner Medjourachensk et son quartier général, aménagé dans une ancienne mine désaffectée. De sa longue carrière dans l'armée rouge, le général avait gardé des réactions et un fonctionnement à la russe. Quand les choses se passaient trop bien, il redoutait le pire. Aussi avait-il décidé de rester vigilant, de ne pas quitter son abri pour être prêt à faire face à tous les cas de figure, jusqu'à la fin de la séquence prévue. Dans la négociation, Imadedinov et Rakhamov avaient arrêté le calendrier suivant, 23 septembre, pour parler, 24 septembre, accord d'armistice, 25 septembre, jour de trêve, Aïd el-Kébir, 26 septembre, annonce de l'accord d'armistice. Cet accord devant être voté par les instances démocratiques de Moscou dans le courant de la semaine suivante, Imadedinov ne s'inquiétait pas pour l'étape législative. Vu le poids du cadet, le parti constitutionnel démocratique à la botte du président et la verticalité du pouvoir, le texte serait ratifié. Si une entourloupe avait été décidée, Imadedinov l'attendait le lendemain matin, jour prévu de la décision de Popov. Il savait que l'armée russe était capable de lancer un assaut des lobes si au final c'était l'option militaire qui était retenue. 45 000 soldats guerriers, casernés au nord et à l'est de l'oblast, plus une puissante flotte aérienne, pouvaient donner l'envie au président russe de regagner sur le terrain ce qu'il avait concédé sur le tapis vert. Ce soir du 23 septembre, à l'abri de Medjourachensk, dans son bunker de commandement, Imadedinov ignorait que le lendemain, le mauvais coup qu'il redoutait tant ne viendrait pas de Popov, ne viendrait plus jamais de Popov.